le gouvernement du Québec nous arrive avec, à mon avis, une autre campagne de pub totalement insignifiante, inutile. Non pas que le message soit con. Le message comme tel, c'est normal. Le message est toujours bon en passant les campagnes du gouvernement. Ben, c'est de faire attention. La sécurité. Ben oui, fais pas ci, fais pas beaucoup de maternage. Les autobus, faites attention, pas traverser les feux rouges, si ça. La sécurité routière, roulez moins vite, faites attention. L'hiver vous transporte, faites attention à l'hiver. L'hiver est là, mettez vos pneus. C'est toujours bon. C'est toujours des bons messages. C'est du bon message, mais c'est du, à mon avis, gaspillage d'argent. Et c'est du maternage éhonté. Du maternage éhonté, comme dans cette campagne de pub qui est disponible sur Internet, que vous avez peut-être entendu sur différentes stations de radio. Je crois que la nôtre la joue. C'est une pub du gouvernement qui a un bon message comme tel. Mais je vais vous arriver avec une autre twist. On va prendre le temps de l'écouter d'abord. On l'écoute. On a voulu un chat parce qu'on l'a aimé tout de suite. Parce qu'il est tout cute avec ses petites pattes. Parce qu'il vient nous coller le soir devant la télé. Parce qu'il me réveille le dimanche matin. Parce que les enfants s'en occupent plus. Parce que sa litière est encore pleine. Parce que ça me coûte tellement cher. Parce que c'est bien trop de responsabilité. Parce que j'en veux plus. Si vous êtes prêt à avoir un animal de compagnie, demandez-vous si vous êtes vraiment prêt à vous en occuper. Un message du gouvernement du Québec. Hey. Ça, c'est vraiment de prendre le monde des caves, là. Les niaiseux, vous savez qu'un chat, c'est vivant, hein? Faut vous en rendre compte. Au début, je pensais que c'était un gag. C'est vraiment sérieux. Il y en a un autre sur les chiens, on n'a pas le temps d'écouter, là, mais c'est sensiblement le même pattern. Là. C'est terrible. Pourquoi on ne ferait pas une pub tant qu'à ça, qui serait peut-être plus justifiée, une pub adressée à quelques trop de parents irresponsables, des parents incompétents? T'entendrais, par exemple, un enfant pleurer. Ben oui. Hey, c'est un enfant. Faut que tu t'en occupes. Ouais. Lâche la boisson, lâche les billets de loterie, lâche tes programmes, lâche la TV, lâche tes cigarettes, lâche ton niaisage, ouais, ton placotage, ton texto, exact, occupe-toi de ton enfant. Ça serait plus justifié. Ça serait écœurant. Hein? À regarder les reportages, tu sais, des fois, Harold de Gagné à TVA, je trouve que il y a toujours les mêmes thèmes de reportage. Je connais bien Harold, j'ai travaillé avec. Là, c'est les enfants de la DPJ à Noël. Là. Ouais, mais je trouve ça touchant, ces affaires. Oui. Et ça, hier, là, c'était touchant, anti-péché. Des enfants abandonnés, pas de parents. Ils vont passer ça avec des fonctionnaires. Des gens à qui ont à cœur, là, les enfants. Là. Prenez pas ça mal, là, quand je dis fonctionnaires. Je dis des employés de l'État, de l'DPJ. Il y en a beaucoup là-dedans qui aiment les enfants. Là. Mais ça reste des étrangers pour ces jeunes-là. Il y a des parents, il y a des adultes qui ont eu des enfants qui n'auraient jamais dû en avoir. Pourquoi ne pas faire une campagne au lieu de celle-là, si vous avez du budget, vous voulez vraiment le dépenser, là, pour lancer le message de dire « Allô, allô les caves, allô les tartes. » Au lieu de faire un enfant, là, prends-toi en main. Peut-être que t'aurais jamais dû en avoir d'enfant. Peut-être que t'es même pas dû pour en avoir. Peut-être que t'es dû pour rester célibataire le restant de tes jours, puis ça va être mieux mais pour là, l'humanité. Mais là, tu n'as, fait qu'occupe-toi-en. Ouais. C'est-tu clair? Exact. Niaiseuse ou le niaiseux, ou tu sais... Au lieu de ça... qu'on n'ira pas si agressif, mais là, ton chat, tu sais... Mais tu sais, ton chat... J'espère que vous êtes au courant, là, quand vous achetez un chat que c'est vivant, puis ça va chier dans la litière, il va falloir ramasser le caca, hein? C'est sûr qu'il y a beaucoup de Québécois qui achètent des cocos de Pâques, des lapins de Pâques. Mais c'est des caves. Au bout de ça, essayez de vaincre l'imbécilité, là, à coup de pub, là, on n'a pas fini. Mais sachant qu'on n'a pas fini, Jean-Claude, et qu'on réussira jamais, et qu'on tend vers le zéro, mais qu'on l'atteindra jamais, pourquoi ne pas parler des êtres humains à la place? Avec des vrais gros problèmes de société. D'abandon d'enfants. Des enfants qui mangent pas. Exact. Ouais. Surtout à l'approche de Noël. Très courte pause, live à tradiox.com. On revient. Vous êtes d'abord live.